personne n'a d'avance, un avenir tracé. Karna débarque, incognito, c'est peut-être pas son avantage. Je suis un mec tranquille dans la vie, mais c'est vrai que mes gars sont barges. Passons pas par quatre chemins mon gars, car je m'engage à faire de mon mieux sans baisser mon son calme. Mon son me calme et me fait tourner la page quand je m'essouffle, quand je fais le tour de tous mes dérapages. Cours après le temps pour rectifier mes écarts et je fais gaffe à prendre le bon chemin pour pas que je m'égare. Sur mes gardes, je constate que ça se dégrade. Les politiciens parlent mais connaissent quoi des quartiers crades. Donc ça s'évade avec rhum, hache et crack. On rend hommage et grave le nom de ceux qui partent sur plaques de marbre. Marre des marres de larmes, ranger les sacs d'armes. Le mal charme, résister afin d'éviter chaque drame. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent. T'inquiète, on se plaint pas, ma vie est loin de celle de Tote. Si je m'obstine, c'est haut que je vise, car dans la vie j'ai trop de cibles. C'est possible qu'on se plante, mais très peu ose dire. Les faux types se tirent, faut faire vite, car la vie est trop speed. Trop de poteaux se brisent avec le bise, entre autres. Les flics, eux, en profitent et kiffent quand on se vautre. Souvent notre faute, car c'est dur de rester droit. Les frères veulent sortir de la merde parce que c'est dur d'y mettre des doigts. On fait les oives et des freestyles en résoi. J'ai soif de réussite, faut pas que j'hésite et pas que je déçois. C'est flatteur qu'on dise de moi que je prends de l'ampleur. À vrai dire, je m'en branle du moment que j'assure sur sample. Je sens que très peu agissent et beaucoup tremblent. C'est l'heure de faire surface, marre d'être en apnée comme dans le grand bleu. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent. Tous percés comme nos bulles d'Air Max. J'écoute ce que tu me dis sauf quand elles sont vulgaires termarques. Je sais que c'est le manque d'argent qui nous excède. Je laisse faire le temps que j'excelle dans ce que j'exerce. J'aime faire dans le vrai, donc j'espère plaire. Je dis ce que j'ai à dire même si l'avenir me laisse perplexe. Les réflexes sont les mêmes, on pense avant à soi. Quoi qu'il en soit, il faut que je tape dur avant de m'asseoir. Je marche droit en m'assurant que ceux que j'aime prennent exemple. Trop de traîtres veulent que je freine, c'est vrai que c'est vexant. Les frères sentent que l'avenir ne tient qu'à un fil. Ta vie n'est pas un film et la réussite sera infime. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent. Les pages de nos vies écrivent ce récit de chaque jour. On avance en prenant des paf qui les démarrent sur chaque joue. C'est marche ou crève, là où partout je traîne. On court après nos rêves, c'est pour cela que tous crèvent.